n'ai pas avancé. Bien sûr j'aurais pu l'appeler. J'ai son numéro, on aurait pu en parler. Mais je ne trouve pas les mots. Je dois écrire une lettre pour demain. Mais aucun mot ne se ferait un chemin. Je joue ma vie sur cette simple lettre. Je ne l'écris pas, je n'ai plus de raison d'être. Mais comment vais-je faire? C'est un enfer. Assis derrière mon bureau, derrière copie, les doigts serrant le stylo, pour la plume n'a pas servi. Aussi blanche qu'à l'examen, aussi vite que mes pensées. Comment trouver le chemin et lui dire la vérité? Je dois écrire une lettre pour demain. Mais aucun mot ne se frayait un chemin. Je joue ma vie sur cette simple lettre. Si je ne l'écris pas, je n'ai plus de raison d'être. Mais comment vais-je faire? C'est un enfer. Yeah.